Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 10e émission. 6 août 1945, 13e audience. La venue de Laval a provoqué un miracle. Pétain est sorti de son silence. Mais les défenseurs du maréchal sont plus inquiets depuis que la presse associe de nouveau le nom de Laval à Pétain. Les témoins à décharge vont défiler à la barre, prolixes ou prudents. Vieux généraux, personnalités, ministres ou fonctionnaires, jusqu'à 6 ou 7 par audience. Quel témoin voulez-vous faire entendre, monsieur le bâtonnier ? Monsieur le prince de Bourbon-Parme. Est-ce que le prince de Bourbon n'a pas été arrêté comme résistant et déporté en Allemagne ? Monsieur le Président, je m'excuse en premier lieu de parler un peu difficilement parce que je n'entends pas très bien à la suite d'un souvenir de Dachau. J'ai été très malade à Dachau et opéré dans des conditions très précaires, ce qui fait que j'ai perdu une partie de mon ouïe. Si on veut me poser des questions pendant que je parlerai, je m'excuse si je ne peux pas les saisir immédiatement. J'ai été condamné à mort au début de 1944 sous 3 inculpations. Premièrement, comme résistant, c'est-à-dire comme chef terroriste, comme il disait, et comme il m'appelait à cause du maquis de 120 hommes que j'avais chez moi, et qui s'est rudement battu ensuite. Ensuite, comme communiste, car ils mettaient sous la dénomination communiste tous leurs adversaires. Enfin, sous le soupçon d'être un agent de l'Angleterre. Les communistes, aujourd'hui, ont l'habitude de prendre une espèce de monopole, comme si eux seuls avaient été des résistants. Il faut reconnaître que beaucoup d'entre eux ont été extrêmement courageux. Mais il y avait toute la France dans la résistance. Il n'a qu'à ouvrir même l'annuaire de la noblesse française pour voir combien de familles ont perdu les leurs, soit dans les combats de 1939 à 1945, soit dans la résistance, soit dans les camps. Je voulais vous parler de ce qui est arrivé dans les camps, notamment dans le camp de Nassweiler, où j'ai été transporté en premier lieu, où il y a eu tout de même 231 cas dont la condamnation à mort a été transformée en déportation. Et ceci sur l'intervention du maréchal. Le maréchal ne pouvait rien vis-à-vis de la Gestapo. Mais il trouvait un joint. Chaque fois qu'on lui annonçait une condamnation à mort et qu'on arrivait à temps pour l'avertir, le maréchal intervenait. Et quand son intervention jouait entre la condamnation et l'exécution, souvent le maréchal réussissait à sauver la vie, parce que la Gestapo remettait les condamnés entre les mains de la Feldgendarmerie, qui dépendait de l'armée. Tous mes compagnons n'ont jamais dit du mal du maréchal. En général, bien sûr, ils avaient la parole dure pour tous ceux qui étaient des collaborateurs des Allemands. Mais la personne même du maréchal était toujours considérée comme ayant tout fait pour nous sauver. Enfin, pour sauver ceux qu'il pouvait atteindre. Entre le général Picandard, 62 ans, qui décrit par le menu le travail souterrain depuis l'armistice, reconstituant assez de matériel pour équiper en armes légères 24 divisions. Un juré demande à qui cet armement a servi. Réponse du témoin: les Allemands en ont récupéré le tiers, la résistance un autre tiers, il doit s'en trouver encore dans des caches. Ce même jour se présente à la barre le général André Lafargue, 52 ans, en uniforme. Il arrive tout droit de l'armée de Delattre de Tassigny. La nécessaire politique de duplicité de l'ancien chef d'État justifie à ses yeux sa déposition. Pour lui, le maréchal était comme prisonnier. Il a eu raison de rester après l'invasion de la zone libre. Il a accompli un geste très beau et très français en venant se mettre à la disposition de la justice alors qu'il aurait pu rester en Suisse. Le maréchal a, d'après lui, mené une admirable bataille d'attente. Soudain, évoquant son action dans les Alpes, il va faire scandale. Aux approches de l'hiver 1943, les maquis en Haute-Savoie rencontrent de sérieuses difficultés d'organisation. Les Allemands avaient remplacé les Italiens et l'hiver approchait, rendant plus difficile la vie des maquis. Précisément, tout cela nécessitait un renforcement d'encadrement, car les maquis étaient composés de gens bien, mais dans ces maquis, il y avait aussi pas mal d'indésirables. Je proteste très énergiquement. Il est inadmissible qu'un témoin, surtout un témoin en uniforme, dise des choses pareilles des maquis. Ce sont les maquis qui ont sauvé la France. Si vous m'aviez écouté sans parti pris, vous auriez entendu que j'ai dit que dans les maquis, je connais la question. Vous n'avez pas le droit de dire cela. J'ai dit... Il y a des indésirables partout. C'est ce que vient de dire le témoin. J'ai dit que dans le maquis, il y a des gens très bien et des gens moins bien. Il y en a toujours eu comme cela. Je me suis efforcé de prendre des mesures pour que les gens moins bien qui faisaient des bêtises ne compromettent pas les autres. Il fallait essayer de leur donner des cadres. C'est ce que j'ai essayé de faire. À partir de décembre 1943, j'ai dû quitter les Alpes par suite de malheurs de famille. Je n'ai plus été au courant, en tant qu'exécutant, de ce qui pouvait se passer à la direction de cette bataille-là. J'arrête mon témoignage ici. Les questions fusent. La dernière question est celle de M. Maurice Guérin. Elle concerne une lettre de Hitler disant au maréchal qu'il voulait confier à un général allemand la réorganisation de l'armée française. Le maréchal n'aurait-il pas répondu tout simplement qu'il se mettrait à la disposition du général allemand ou en contact avec lui pour voir comment, ensemble, on pourrait réorganiser une armée qui ne pouvait pas être celle de la France? Je dois vous dire, monsieur le juré, que vos souvenirs vous trahissent un peu. Je ne crois pas que cela soit exactement cela. Il faudrait la rechercher. Je vous la lirai. Elle existe donc. Je vous la lirai quand le moment sera venu. Ne nous faites pas de cachotterie. La lire en ce moment, c'est contribuer à prolonger les débats indéfiniment. Il faut voir les choses en leur temps. Il est à craindre que M. le procureur, quand il jugera le moment venu, nous sorte des papiers que nous ignorons. Des papiers qui ne sont pas dans les pièces. Je ne sortirai aucun papier que vous ignorez, M. le bâtonnier. M. le procureur, je vous serai bien obligé de vouloir lire la lettre à laquelle il est fait allusion, car c'est un incident très important. Alors il faudrait aller la chercher. Elle est dans le dossier. Il serait plus simple de la communiquer. C'est une lettre qu'Hitler écrit au maréchal. Je comprends qu'un pays ne peut vivre sans armée. Et le maréchal lui répond. Je pense, comme vous, qu'un pays ne peut pas vivre sans armée. Je convoque le général von Rundstedt pour m'entretenir avec lui de cette question. C'est une lettre, monsieur le président, qui ne peut pas prendre place dans un débat qui n'est qu'une instruction à l'audience. Laissez-moi la citer quand je voudrai et régler mon réquisitoire comme je l'entendrai. C'est une question posée par un juré. Nous sommes d'accord pour dire que l'instruction n'est pas faite. La preuve, c'est ce qu'on fait en ce moment. Aujourd'hui, ce n'est pas le réquisitoire qu'il s'agit de faire. Je comprends qu'on en désire un anticipé, mais je ne veux le produire qu'à son heure. Je tiens à ce que la lettre à laquelle il a été fait allusion, que nous ne connaissons pas, soit lue. Je ne peux développer que par anticipation tous les arguments que je donnerai dans mon réquisitoire. Vous pouvez faire connaître les documents à la défense. Vous avez donc peur d'un débat complet ? Je n'ai pas peur. Mais un débat anticipé est un débat faux. Il ne s'agit pas de conclusion qu'on tirera d'un document. Il s'agit simplement de montrer un document auquel un de ces messieurs a fait allusion. Ce document est connu. Mais chaque chose en son temps. Monsieur le Président, je ne me laisserai pas imposer la façon dont j'entends présenter mes arguments. Il ne s'agit pas d'une argumentation, mais d'une lettre au dossier. Avant la fin de l'audience, il me paraît difficile de la retrouver. On demande à l'unanimité que ce document soit lu demain à 1 h. Si je le retrouve, je ne demande pas mieux. Je ne connais pas cette lettre. Elle a été publiée par les journaux. On apporte le document au procureur général. La voici. Le procureur lit cette fameuse lettre par laquelle Pétain se dit très sensible à la résolution d'Hitler de collaborer avec la France et de l'aider à reconquérir son domaine colonial. C'est plus que de la collaboration. C'est de l'alliance militaire. On a parlé d'une lettre du chancelier Hitler. Le général Lafargue manifeste son désir de répondre. Je tiens à répondre à la question de monsieur le juré. Mais nous sommes tous d'accord. Je demande pardon, j'ai un mot à ajouter. On m'a posé une question, j'y réponds. Monsieur le juré, voici ce que j'ai à répondre à monsieur le procureur. Mais je ne vous ai pas posé de question, monsieur le témoin. Le général Lafargue affirme que le maréchal aurait déclaré, en octobre 1943, qu'en cas de débarquement américain, il faudrait l'aider par les armes. Voilà, monsieur le juge, ce que le maréchal a dit devant des Français lorsque les oreilles allemandes ne l'écoutaient pas. Voilà ce que nous avons retenu. Mais les oreilles de 38 millions de Français ne l'écoutaient pas. Il n'y a pas de déclaration de la part de l'accusé ? Souhaitez-vous intervenir, monsieur le maréchal ? Non. Monsieur, vous pouvez vous retirer. Mardi 7 août 1945, 14e audience. Après les généraux, les anciens ministres. C'est une audience attendue. Ambassadeur de France, ancien ministre de l'Intérieur, actuellement incarcéré à Fresnes, Marcel Pérouton est de haute taille et de forte corpulence. La défense l'a convoqué pour le faire parler du 13 décembre 1940 et de l'arrestation de Laval dont il a été l'instigateur. Selon lui, il y a toujours eu incompatibilité entre Laval et le maréchal. Le 13 décembre, le maréchal a marqué son intention de se débarrasser de M. Laval. C'était probablement une idée qu'il avait eue auparavant. Mais le maréchal ne voulait pas d'éclat à cause de la présence allemande et craignait, s'il y avait un éclat, que l'Allemagne n'en profitât. Je lui ai dit, si vous m'autorisez à envisager l'arrestation éventuelle de M. Laval, je peux la pratiquer. Est-ce que vous y voyez un inconvénient ? Il m'a laissé faire. J'ai donné des instructions. Il y a eu une séance du Conseil vers 7h ou 7h30, au cours de laquelle le maréchal a exigé de tous ses ministres la remise de leur démission. Et il a accepté celle de Laval et celle de M. Ripert. J'étais à ce moment responsable de l'ordre public. J'ai pris toute disposition. Il est bien entendu que je ne voulais faire aucune espèce de violence à la personne de M. Laval. M. Laval avait été 3 fois chef du gouvernement français. Il avait droit, quelles que fussent ses idées et quelle que fût son attitude, aux égards matériels qu'on doit à un homme qui a occupé ses fonctions. Je décidai donc qu'il serait conduit sous escorte dans sa résidence personnelle de Châteldon. Voici les faits, Monsieur le Président, tels qu'ils se sont passés. Un juré prend la parole. Le témoin, accusé lui-même, vient de nous dire qu'ayant fait arrêter Laval, il avait eu pour lui des égards matériels dus à un homme qui avait occupé ses fonctions. Je crois que vous n'avez pas toujours appliqué cette méthode. Et je voudrais savoir sur l'ordre de qui vous avez arrêté M. Auriol, M. Jules Mock, M. Marx Dormoy et M. Montel. M. Mandel a été arrêté... Je n'ai pas dit M. Mandel, mais M. Montel, conseiller général de l'Aude. M. Montel, je ne me rappelle absolument pas. Alors, enlevons le nom de M. Montel et gardons les noms de M. Auriol, Jules Moc et Marx Dormois. M. Marx Dormois, je n'ai pas du tout le souvenir qu'il ait été arrêté quand j'étais ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas un décret ou un arrêté qui portait votre signature qui a mis d'abord dans une prison auprès de Bourassol, ensuite à Valls, M. Auriol, Jules Moc et Marx Dormois? Je ne me rappelle pas. Vous n'avez pas beaucoup de mémoire. Ceci remonte à 1940. Deuxième question. Sur ordre de qui? Je me permettrai de préciser sur ce point qu'en ce qui concerne les arrestations d'anciens ministres, le ministre de l'Intérieur n'avait aucune initiative. Et M. Marquet pourrait donner à ce point de vue-là toute précision. C'était en Conseil des ministres que la chose était arrêtée. Je voudrais savoir à quelle date ont été arrêtés ces messieurs. Ces messieurs ont été arrêtés fin septembre, transférés d'abord dans une prison près de Bourassol et ensuite à Valls. S'ils ont été transférés en prison, c'est qu'ils ont été arrêtés sur ordre du garde des Sceaux. Et alors là, le ministre de l'Intérieur n'est qu'un agent d'exécution. Si le ministre de l'Intérieur intervient directement, il ne peut le faire que dans la limite de ses pouvoirs, c'est-à-dire l'internement administratif, ce qui est une autre procédure. Sur l'ordre du garde des Sceaux, et ce dont il avait été rendu compte au Conseil des ministres sous la présidence du maréchal. Troisième question. Vous avez également signé une loi qui a organisé les premiers camps de concentration et après, les premières lois raciales. Est-ce que vous l'avez également fait en accord avec le maréchal? Est-ce que c'est mon procès ou est-ce que je suis entendu comme témoin? Écoutez ma question. Ce n'est pas encore votre procès. Je veux savoir si vous l'avez fait sur ordre du maréchal ou sous votre propre responsabilité. En ce qui concerne la loi raciale, elle porte la signature de tous les membres du gouvernement. Je pense qu'elle devait être préparée par le garde des Sceaux. Devant le flot des questions des jurés sur la révocation des maires et l'interdiction des conseils généraux, sur la création de camps de concentration en Afrique du Nord, Marcel Perrouton fait des réponses évasives. Il se plaint que l'on fasse son procès. Le président le rappelle à l'ordre. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Il est donc naturel que l'on vous interroge sur cette politique qui a été couverte par le maréchal. Une assez longue discussion s'engage entre les jurés et le témoin. Soudain, Perrouton parle de lui à la troisième personne. Non, Monsieur Perrouton n'a rien demandé. Monsieur Perrouton a même voulu refuser. Il a accepté par discipline. Si vous connaissiez ma carrière, monsieur, vous sauriez que je n'ai jamais demandé aucun poste à aucun moment. J'ai eu le triste privilège de me les voir offrir et de ne pas pouvoir refuser. Monsieur Perrouton a d'abord refusé le ministère de l'Intérieur et ne l'a accepté que lorsque le maréchal lui a dit « c'est un ordre ». À propos de Montoire, le bâtonnier païen essaie de le faire parler du rôle de Pétain. Mais voyons, il n'en sait rien, ça ne le regardait pas. Je ne sais pas. Pour une ville de l'importance de Lyon, dont le président Hériot était le maire, vous ne vous êtes pas entendu avec le maréchal quand vous l'avez poussé dehors? Vous ne vous rappelez pas? Monsieur Perrouton ne répond pas. Vous pouvez vous retirer. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 10e émission. Le président Montgibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain,